Si no, y le vi indiferente, consideré la emancipación y el trabajo feminino, que el pouvoir erotique me le pon entre emancipación y charme, reste un fois si, un fois non, praticable. On a voulu le représenter dans une franche opposition, mais les vraies variables sont nombreuses, et il se peut que l'on tourne en rond, il se peut que l'on tourne en rond, sur Dante et ses intimes, Manuel Montero. Dans le narcissisme des discours, la perception érotomaniaque du poète peut envisager l'épanouissement chez les femmes comme un fétiche moral, mais il reste dans le jeu du possible qu'il soit réel, réel et donc aussi relatif et précaire que l'épanouissement masculin. L'amour et la drogue salvatrice et William Burroughs, grand prêtre vampire de Vitnik.